hérité de la dictature de Pinochet. Alors, j'ai le grand plaisir de vous partager cet entretien avec Claude Vautrin qui a eu lieu le 19 mai 2021, peu après sa participation au Salon des Sélénites. Je lui ai proposé d'illustrer notre échange par des musiques de son choix. Tout de suite, le groupe ethnofolk estonien Zetod qui chante Kuldo Nurik. Il s'agit du jeune homme d'or dont l'auteur nous parle dans Baltique. Et pour conclure, à la fin de cet entretien, on va partir avec les chevaux fous des violons du monde. Nous entendrons les envolées lyriques d'un nickel harpa dans The Road to East, extrait de l'album Crazy Horse de Duplessis and the Violence of the World. Bonne écoute. Seleta muuni ära kuldne noori, seleta muuni ära helle helle roo, mis ma üse unõh näie kuldne noori, mis ma üse unõh näie helle helle roo, kus lapu olgu takah kuldne noori. Kus lapu olgu ataka helle helle roo, mis lapu olvi vere kuldne noori, mis lapu olvi vere helle helle roo, sarapu ol sanna takka kuldne noori, sarapu ol sanna takka helle helle roo. Tamme puol tare takah kuldne noori, tamme puol tare takah helle helle roo. Kus lapusta tule kosja kuldne noori, kus lapusta tule kosja helle helle roo, mis lapusta verüs viina kuldne noori, mis lapusta verüs viina helle helle roo, sarapusta saava saja kuldne noori, sarapusta saavasa ja helle helle roo. Tamme puu pantano pähe kuldne noori, tamme puu pantano pähe helle helle roo. Armasti jo kallisti jo kuldne noori, armasti jo kallisti jo helle helle roo. Saie tütär tallo pitte kuldne noori, saie tütär tallo pitte helle helle roo. Saie maali maja pitte kuldne noori, saie maali maja pitte helle helle roo. Päivä illos pääle kaija kuldne noori, päivä illos pääle kaija helle helle roo.

on suit un chemin, quoi. Oui. On suit un chemin, mais ce qui est essentiel, c'est les valeurs, quoi. C'est, oui. Oui. Ah, les valeurs, après. Il faut les mettre en pratique, il faut... C'est pas toujours simple, donc on peut se remettre en cause, et puis... Ben, puis on se parle, et puis... Voilà. Bon, toi qui es un grand bon, professionnel, je vais te laisser conclure. C'est un grand merci de donner l'occasion de m'exprimer, parce que ça n'a pas été... c'est leur... La relance, peut-être, hein, on espère. Y a des rendez-vous qui se profilent, donc... Des salons, des festivals. Et puis, il y a tellement matière. Mais un grand merci pour cet entretien. On te souhaite le meilleur. Merci beaucoup à toi. Merci. Sur radio que j'ai faite, c'était Radio Gamozo. Ah. Non, c'était encore dans le... Un coucou à Radio Gamozo. Ouais. Ben, un petit coucou à Radio Gamozo, parce que j'ai un souvenir de ma première émission en radio. Alors, ça date, c'était encore près de Gamozo, au-dessus de Rupt-sur-Moselle. Là où prend la Moselle, la petite, prend naissance. Non, dans la montagne, là, il fallait monter. Et on était venu parler des médias avec un journaliste, de mes collègues de la Liberté de l'Est à l'époque. Oui. Et on avait fait une émission sympa. Voilà. Donc, voilà. Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs. Merci, c'est cadeau. Hein. Thank you.